C'est parti mon kiki, bonjour Chloé. Bonjour Ophélie. C'est un surtout, plaisir. Bon anniversaire. Eh, merci beaucoup Chloé Soulard. 26 ans. Déjà, comme ça passe vite. Ça c'est passe bien vrai. Très vite. Chloé, merci d'être avec moi pour cette première émission. C'est un plaisir de t'avoir. Alors, on est un petit peu déçus, je dois vous dire, chers auditeurs, parce qu'il est en train de pleuvoir dans le jardin. C'est un peu dommage parce qu'on avait prévu de faire de festoyer dans le jardin, n'est-ce pas, Chloé ? Tout à fait. Il y a une très belle installation. C'est magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique ? C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, il y a une très belle installation, mais je tiens à préciser qu'il y a une tonnelle avec aussi des guirlandes. Des loupiottes. Des loupiottes. Il y a des canapés. Avec des coussins, mais attention, on a rangé les coussins parce que, tout simplement, Il prenait l'eau. Il y a eu de la pluie, il y a eu de la pluie, mais là, ça semble se calmer. On sortira, on remettra les coussins au moment venu. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Roux du Rock FM. Je suis avec Chloé Soulard, nous sommes en direct de l'étarderie. Attention, nous sommes dans la cuisine exactement. Chloé, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le studio, comment il est selon toi. Nous sommes, pour ceux qui connaissent la maison. Alors excusez-moi Chloé, je ne comprends pas parce que vous n'avez plus votre accent du sud. Ah et oh, pardi, qu'est-ce qu'elle dit ? Merci. Elle dit des bêtises comme d'habitude. 26 ans et elle continue de dire des bêtises. Est-ce qu'un jour elle va grandir celle-là ? Je ne crois pas, putain, elle me fatigue. Bon, je disais donc. La Rox du Rock FM, nous sommes installés dans la cuisine d'Alain José. Alain José, pour ceux qui ne les connaissent pas, sont nos géniteurs. Et donc, nous sommes dans un petit coin. Ophélie fait face, non pas à la mer, comme dirait Calopassi 2004 Action, mais face au jardin. Et nous sommes. Alors, si vous tournez votre tête, Chloé, vous n'êtes plus en face du micro. Si je tourne ma tête comme non. ceci. Non, alors il faut parler vraiment comme ça. Je dois le déplacer. Peut-être si je fais comme ça, pour en même temps que mon regard suive ce que je vais vous décrire, et bien à ma gauche, il y a le frigo, gros frigo qui est transparent, où il y a une super mousse au chocolat qui est en train de durcir pour demain. Spoiler alerte. Et si je me tourne un peu à ma droite, je vois la grande porte vitrée. C'est magnifique. Alors Chloé, je vous signale que je suis en direct sur le Discord également. Nous avons quelques auditeurs, notamment Patate Chaude, qui n'est autre que Léo Boiteau. Et Hubert Félix Tiffon, qui n'est autre que Hubert Félix Tiffon, tout simplement. Alors merci d'être avec nous pour ce premier direct du week-end. Alors ça va être un week-end chargé, Chloé, est-ce qu'on peut peut-être en parler ? Eh bien écoutez, on a fait un très gros programme qu'on a concocté quand j'étais avec vous dans le Lot-et-Garonne. Tout à fait. Lot-et-Garonne qui est magnifique, je tiens à le préciser. Ceux qui ne sont toujours pas allés vous voir, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Parlons peut-être du programme, et vous voulez que je le fasse, soir, je l'ai devant les yeux. Ce soir à 18h, ça commence les festivités à 18h, enfin ça commence, on a déjà commencé. Ah oui, un petit peu. On commence avec un premier direct. Avec un premier direct qui, je le souligne, n'était pas sur le programme. Il n'était pas sur le programme, c'était une surprise. Parce que nous, on est comme ça, on aime faire des surprises. Tout à fait. Ensuite. À 18h, écoutez, c'est l'heure de, comme on dit, outre-Atlantique du tout, comme on dit, chez nous, à travers les Alpes, l'apéritivo. Ça sera l'heure de l'apéritif, finalement. Tout à fait. Mais l'apéritivo, ça sonne un peu plus le soleil, l'Italie, les Campari, tout ça. Et donc, nous commençons cet apéritivo à partir de 18h. Pour ceux qui veulent, nous ferons des petits cocktails. Tout à fait. Alors, on va parler peut-être des cocktails. Il y aura le Campari, qui est le cocktail de Julien Purnaud, qui est parti acheter du fromage de chèvre. Julien, votre compagnon de vie. Tout à fait, mon compagnon de vie. Et il y aura des cosmopolitains, des cosmos, pour faire comme Carrie Bradshaw, si vous la connaissez pas, dans Sexe dans la cité. Peut-être. Alors, ensuite, Chloé Soulard, vers 20h, 21h, peut-être 22h, on ne sait pas, en fonction des arrivées des auditeurs. Tout à fait. Eh bien, écoutez, à partir de 21h, soirée gratinée, tout à fait gratinée, puisqu'en effet, nous allons manger un gratin. Tout à fait, tout simplement, un gratin. Alors, le gratin est presque prêt. Il manque le fromage de chèvre. Est-ce que c'est trop en dire sur le gratin ou est-ce que vous voulez donner la recette? Oh, écoutez, on va laisser la surprise, on un petit peu surprise. De surprise, ne pas tout dévoiler. Alors, Chloé, je vais me tourner maintenant vers nos auditeurs qui sont sur le Discord. Si vous avez des questions à nous poser, allez-y. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je suis en train de me rendre compte que c'est vachement plus facile de parler sur Radio Boncon ou Rooks du Rock FM que sur Radio Bulle où au bout d'une minute, je ne sais plus quoi dire. Et là, il y a toujours des choses à dire, toujours des bêtises à dire à la coquine. Toujours des bêtises. Elle me fatigue. C'est vous qui me fatiguez. Chloé, elle continue, fait que de dire des bêtises. Je vais lui dire ses 47 vérités. Elle veut me dire ses 47 vérités. Oh, alors il y a une question de Hubert Félix Typhon, toujours là, pour poser une question, toujours là. Alors, Hubert Félix Typhon qui nous dit, j'ai une question. Est-ce que Jean-Luc Soulard est invité ou ai-je une chance de gagner la tombola? Alors Chloé, voulez-vous répondre à cette question? Eh bien, c'est votre jour de chance, Hubert Félix Typhon, puisqu'en effet, notre tonton, Jean-Luc Soulard, sera absent pendant cette Roux du Rock. Oh là là. Vous avez donc toutes vos chances pour la tombola et je peux vous dire qu'elle va être exceptionnelle. Elle va être exceptionnelle. On a préparé des petits kits et c'est magnifique. Oui. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y en a pour voir. Les petits, pour les grands, pour tous les moments de l'année, c'est magnifique. On peut vous dire d'ores et déjà qu'il y aura quelques bouteilles de Roncia à remporter, si c'est la question que vous vous posez. Nous rappelons que les tickets de tombola sont à prix libre. Tout à fait, et venez avec votre monnaie. Vous pouvez en acheter plein. Je compte sur vous parce que j'ai fait des courses, ça m'a coûté très cher. Je compte sur cette tombola, même si je viens d'avoir mon premier salaire. Félicitations. Merci beaucoup. Rappelez-vous. Le jour de mes 28 ans, j'ai reçu... De mes 28 ans. Oh, 26 ans. J'ai reçu mon premier salaire. C'est pas magnifique? C'est magnifique. C'est magnifique ou c'est magnifique. Pas magnifique? C'est magnifique. Alors, peut-être, chers auditeurs, que vous entendez que derrière nous, il y a un peu de bois. De ménage. C'est parce que Julien et José et Hugo sont revenus de chez Prosper où ils ont acheté du fromage de chèvre et donc ils ne se sont pas rendus compte tout de suite que nous étions en direct. Mais ce n'est pas grave, José. Ah, José vient tout juste de se rendre compte qu'on était en direct. Si quelqu'un veut se joindre à nous pour le direct, Hugo, je sens que tu as envie de te joindre à nous. Il Hugo, hésite. Je vais lui laisser ma place. Ah non, mais tu peux. Nous avons trois micros, quoi, ah, je vous le rappelle. Hugo, alors attendez. Ce sera la fratrie. Je vais juste décaler ça. Si vous pouvez le faire, alors je vais décrire à nos auditeurs. Il y avait juste deux Polaroids sur la table, ce qui empêchait le micro d'Hugo d'être à disposition. Alors Hugo, installe-toi et dès que tu es prêt, j'allume ton micro et tu pourras dire bonjour à nos auditeurs qui sont nombreux parce que nous sommes 23, sachant qu'il y a pas mal de bots. Comme d'habitude, bien sûr, les bots sont toujours, encore et toujours au rendez-vous. On est content de les retrouver. Hugo, bonjour. Bienvenue sur Roux du Rock FM, Hugo. Bonjour. Je crois déceler un petit accent rouxirois, non ? Je me trompe. Ah, oui. Bravo Hugo, merci d'être avec nous. C'est gentil. Alors je retourne sur le Discord voir ce qu'il se passe. Est-ce que je peux poser une question à Hugo en attendant que vous regardiez ce qui se passe sur le Discord ? Hugo, on a acheté du fromage. Hugo, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes content de faire cette soirée ce soir, de passer ce week-end en notre compagnie ? Ah oui, oui, oui. Alors pouvez-vous nous dire... pourquoi vous êtes content? Est-ce que c'est parce que vous êtes en famille? Est-ce que parce qu'il va y avoir des copains? Ou est-ce que parce que c'est l'anniversaire ah oui, d'Ophélie? La famille, les copains. Oui, oui. Hugo, vous êtes le... Il fatigue. Il est insupportable. Alors attendez, une question de patate chaude qui n'est autre que Léo Boiteau. Question, j'ai un changement de gare. Vous savez où il est le train pour Ancenis? Bonne question, je peux me renseigner sur le site de la SNCF, Léo, si ça vous intéresse. On va faire une petite pause. Un changement de quai ou de gare? Je ne sais pas. J'ai un changement de gare à Nantes, vous savez. Mais non, je pense qu'il voulait dire de train. Il n'y a qu'une gare à Nantes. Hein. Mais oui. Alors je ne sais pas. Sauf s'il a pris peut-être... Une gare routière. Une gare routière. En l'occurrence, ce n'est pas la même gare. En l'occurrence, ce n'est pas la même gare. C'est une très bonne question. On va en parler à la rédaction. Ils sont tous en train de travailler. On revient vers vous, Léo Boiteau, d'ici peu, en espérant que vous ne loupiez pas votre train entre-temps. Alors, il y a un téléphone sur la table. Hugo, je te demanderai de bien vouloir l'enlever. Ça fait des interférences avec le micro. Vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends parce que j'ai un casque. Alors, ensuite, Emma Corona demande « Quel goût aura le Beaujolais cette année ?» Alors c'est à comme vous d'habitude, le Beaujolais sera dégueulasse puisque le Beaujolais c'est vraiment dégueulasse. C'est plutôt à vous de nous le dire, Emma Corona. Je crois que c'est le Beaujolais c'est en novembre. On ne sait pas encore. C'est trop tôt pour le dire. Alors tu sais comment j'imagine Mona et Emma ce week-end? Je les imagine pieds nus dans un bac en train d'écraser du raisin. Eh bien écoutez, je les vois pas plus tard que mercredi prochain et donc je le redemanderai. D'ailleurs, Emma, je vous embrasse et j'ai bien hâte de vous voir à Lyon, en Pays Lyonnais. Alors, question de Emma Corona. Non, question de Pimpin, excusez-moi, qui demande quelle célébrité sera dessinée sur le gratin. Alors, Chloé, est-ce que vous voulez répondre ? Eh bien écoutez, on a pensé forcément à Jack Black, puisque c'est son anniversaire également aujourd'hui. Oui. C'est un bon anniversaire. Jack, oui. Si tu nous entends, happy birthday to you. Et malheureusement, ce sera juste un gratin gratiné. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, peut-être que si on cherche bien, on pourra trouver une ressemblance avec une personnalité publique. Manon, combien de... Alors, parce que juste un gratin. Juste un gratin. Attends, excusez-moi. Oui, j'ai fait des blagues. Mais il faut les dire au micro, il faut parler, enfin. Et il faut parler dans le micro, vraiment. J'insiste. Et oui, il faut que tu colles ta bouche. Pas coller totalement, nous ne pouvons pas désinfecter. Julien, il se moque de moi. Un peu d'ASMR, Hugo, ça vous plaît. Alors, mesdames, chers auditeurs, on va faire une petite pause musicale. Ensuite, on reviendra vers vous. On fera peut-être la météo, pourquoi pas. Hein, on va se renseigner un petit peu. Pour l'instant, il pleut. Sur la météo agricole. On va regarder sur la météo agricole. Allez, on va se mettre une petite chanson. Alors, attendez que je choisisse. C'est une petite chanson qu'on aime beaucoup chez les Boncons. C'est les Backstreet Boys. I Want It That Way. Alors je reviens vers vous déjà parce que la chanson des Backstreet Boys que je vous ai proposée était juste un extrait. C'était un extrait que j'ai fait pour un blind test que j'ai fait il y a quelques semaines. Du coup je suis déjà de retour mais je vais vous mettre une autre chanson. Le temps que nous on puisse préparer à la suite, on va écouter Take On Me tout simplement sur Rooks du Rock FM. Alors, j'ai eu le temps un petit peu pendant cette chanson de me renseigner pour monsieur Léo Boiteau. Alors, c'est assez compliqué. Je ne pourrais pas dire qu'elle traîne. Ça dépend si vous prenez un TER, si vous prenez un TGV. Je ne sais pas s'il est TGV. Alors, Chloé me dit que le José me dit que le TGV ne s'arrête plus à Anceny. Je pense que Léo, votre train est celui de 17h48. C'est voie 52. Alors, ne loupez pas votre train. Voie 52, je répète, voie 52. C'est la voie la plus à gauche, nous dit José. José, veux-tu t'installer et participer avec nous à l'émission? Elle nous écoute. Alors, Chloé, s'il vous plaît, il faut parler dans le... C'était une aparté pour notre frère. Je lui demande de me faire une tartine de pâté végétarien. D'accord. Raté. Ah mince, je me suis trompée. J'ai vu que Emma nous demandait combien de gens allaient être là ce soir. Je ne sais pas, c'est la surprise. Alors moi non plus, je ne sais trop. Je ne sais pas. Alors, Léo nous dit qu'on a raté. Le train était celui de 17h44 pour Rennes. Mais alors, c'est-à-dire... Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas non plus. L'important, c'est qu'il soit là ce soir. Est-ce qu'il a regardé sur SNCF? C'est le train du Mans, pardon. Ah. Il y a deux trains qui partent à 17h44. Je suis actuellement sur SNCF.com. Bon, ce n'est pas grave. Écoutez, je vous conseille de venir ce soir, puisque là, je suis actuellement en train de manger des tartines de pâté végétarien. Et c'est vraiment très, très bon. Il n'y aura pas pour tout le monde. Venez tôt. Alors, si jamais vous venez ce soir et vous voulez nous le faire partager sur le Discord, allez-y, c'est avec grand plaisir qu'on apprendra votre présence de ce soir. Alors, je continue les questions parce qu'il y en avait encore. Alors, il y avait une question de Manon, excusez-moi, je ne l'avais pas compris tout à l'heure. Alors, combien de gens seront présents à la fête? Ah, c'était cette question, c'est parce que j'ai lu Jean en Jean. Alors, je ne sais pas. Bon, excusez-moi, ce n'est pas grave. Manon, on vous embrasse. C'est qui, Justin Gratin? C'est Hugo qui a fait une super blague. Excusez-moi, je suis en train de manger, ça doit pas être très agréable pour vous. Hugo m'a dit... Non, comme Emma nous a... Non, Pimpin, je ne sais plus. Quand quelqu'un nous a demandé s'il allait avoir une personnalité sur le gratin, Hugo nous a dit qu'il allait avoir Justin Bieber, puisque c'était Justin Gratin. Quand j'ai dit que c'était Justin Gratin, tout simplement, il n'y avait pas de personnalité dessus. Hugo, il a dit que c'est Justin Gratin Bieber. Je viens de comprendre. Voilà, c'était ça sa blague. Bon, on va passer à la météo tout de suite. Il est 17h35. Nous sommes le 28 août 2020 et c'est mon anniversaire. Allez, c'est parti pour la météo. Alors Ophélie, quel temps fait-il à la Rouxière? Alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors, en ce moment, à la Rouxière, il fait environ 20 degrés. Alors, normalement, il ne pleut pas, mais je peux vous dire qu'il pleut en ce moment. C'est vraiment dommage. Il devrait faire plutôt beau cette fin de journée, un peu couvert malgré tout. Pour la météo de cette nuit, alors attention, si vous venez ce soir à la maison, prenez un petit pull. Il fera entre 13 et 11 degrés. Ce n'est pas beaucoup, il faut se couvrir. Chloé, est-ce que vous avez prévu un pull? J'ai prévu un petit coup de vent, un coupe-vent contre le vent. Pour la journée, protéger du vent. Vous avez raison. Pour la journée de demain, normalement, pas de pluie. Il fera pas très chaud demain, il fera environ 16 ou 17 degrés. C'est dommage parce que j'avais prévu un short, je me suis dit « Oh, je vais mettre mes gambettes au soleil ». Oui. Et finalement, je resterai en pantalon. C'est vraiment dommage. Hugo, vous vouliez dire quelque chose? J'ai deux questions. Allez-y. Alors, à quelle heure se couche le soleil et l'éphéméride? Alors, attendez, Hugo, vous nous prenez... C'est un peu compliqué, je ne pourrais pas vous dire exactement, car je suis sur un site... C'est noté sur Météo Agricole, pardi. Bah écoute, je ne le vois pas. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué. Colle à vous en même temps. Allez-y, c'est parce qu'on n'est pas sur le bon truc, il faut regarder heure par heure. Où est-ce que c'est? Pardi, où est-ce qu'elle est allée? Attendez, Chloé, ce n'est pas grave. Cher, on va peut-être terminer cette météo qui est totalement médiocre. Attendez, est-ce que ça bug? Dites-nous si ça bug. Parce que moi, je me suis branché en Wi-Fi et je pense avoir... Attendez, je mets le jingle de fin de météo et je reviens vers vous. Alors, c'était la météo qui était assez médiocre, je dois dire. C'est la Saint-Augustin aujourd'hui, on ne l'a pas dit. Bonne fête à Augustin Trapenard. Bonne fête à Augustin Trapenard. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, chers auditeurs, si ça saccade ou pas ? Je ne sais pas si ça saccade, vous nous le dites tout de suite. On n'entend pas les jingles qu'elle me dit. Oh, c'est la meilleure partie. C'est vraiment dommage, attendez, on va essayer de régler ce problème. Ah, je sais pourquoi on n'entend pas les jingles. Alors je vous remets le jingle météo, c'est bien dommage que vous ne l'ayez pas entendu. La météo. La météo. La météo. Rocks du Rock FM. C'est la météo. Rocks du Rock FM. Voilà pour le jingle de la météo. Donc, résumé de la météo, c'est la Saint-Augustin, il pleut et prenez un pull. Alors non, résumé de la météo, c'est il pleut mais pas sur le site de la météo. Oui. Donc c'est bizarre, il y a un micro-climat. Il pleut pendant une bonne heure, qui me dit Julien. Julien, est-ce que tu veux t'installer au studio avec nous, discuter un petit peu, attendre les invités? Je vous rappelle qu'il y a un cocktail de prévu à 18h. Pour l'apéritivo. Un apéritivo. Alors, ça m'étonne. Peut-être mener des bêtises à grignoter, comme des chips, par exemple. Des petites bêtises, en effet. On va boire tout ça. Avec Chloé, je vois que thon, vous êtes déjà parfait. Ouvert une petite bière. Tout à fait. C'est la fête. C'est ton anniversaire. Voilà. C'est une mise en bouche. Chloé, je crois que ce soir, il y aura une tireuse. Tout à fait. Ça, c'est le programme de la soirée. Une petite tireuse. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Ah d'accord. Je ne sais pas qui c'est qui va aller la chercher tout à l'heure. Je crois que c'est Alain. Quelqu'un va aller la chercher tout à l'heure. Très bien, très bien, très très bien. Est-ce que vous savez si c'est de la bière blonde ou de la bière ambrée ou de la bière blanche ? Selon moi, c'est de la bière blonde. On a voulu rester simple. C'est parfait. Il ne faut pas faire compliqué, sinon après tout est compliqué. Alors, Hugo s'est servi une canette. Hugo vient de se servir une canette d'Heineken. Alors, j'espère que vous avez entendu et que ça vous a fait plaisir. Que ça vous a donné envie de venir vite à la Roussière pour trinquer avec nous. Ah, ça vous a fait mal aux oreilles, Hugo. Peut-être que ça a fait mal aux oreilles également aux auditeurs. Bon, il est 17h40. Comment vous sentez-vous ? Excusez-moi, je vous coupe. J'ai envie de savoir comment vous vous sentez, Ophélie, aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Écoutez, la journée s'est plutôt bien passée, malgré les rafales de vent et la météo, la pluie qui m'embête un petit peu, je dois dire. Mais je me sens plutôt bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir un an de plus, bizarrement. Écoutez, moi j'ai envie de vous décrire ce look magnifique. Et en même temps, j'ai envie de laisser la surprise aux invités, puisque vous avez un look vraiment... Parfait, écoutez, j'ai envie de Merci. Vous dire. Oh. Écoutez, on va pas tout décrire. Je dirais juste qu'elle a un magnifique haut vert à pois, qu'elle a trouvé, qu'elle a chiné même dans un vide-grenier à Nérac. Tout à fait. Dimanche dernier, en compagnie de moi-même. Oui. Qui a trouvé une superbe chaise, petite chaise de plage pliable que j'ai mis dans mon coffre. Et elle a également trouvé un pantalon magnifique. Et alors, si vous êtes là, surtout demain. Demain, c'est pendant, je crois, de mémoire pour le programme, pendant le Café Gourmand du goûter. Je crois que c'est pendant le Café Gourmand, playlist Vieille Canaille. Vieille Canaille & Co. Et tout à fait, donc ce sera très approprié pour cette playlist, ce pantalon. Je vous laisse le découvrir quand vous viendrez. Elle a également une magnifique banane qui sera beaucoup dans le thème de la Vieille Canaille. Tout à fait. C'est magnifique. Dans ma banane, il y a les tickets de Tombola. N'hésitez pas à ramener... De la monnaie, si vous voulez acheter des tickets de tout tombola. À fait. Nous ne prenons pas les cartes bancaires, mais est-ce que nous prenons les Lydia peut-être ? Oh, je ne sais pas, je n'ai plus l'application, il faut que je la remette. Ça m'emmerde de faire ça. Mais bon, d'accord. On va faire la tombola, la bonne vieille tombola. Alors Théo nous dit qu'il viendra demain en femme de footballeur. J'espère qu'il n'y avait pas de thème. Il n'y avait pas de thème en effet. C'était libre. C'est totalement libre. Si vous êtes un peu déguisé, moi, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. Chloé, est-ce que tu as prévu de mettre une tenue particulière ? Je n'ai pas prévu de mettre Excusez-moi, de tenue en, particulière. En fan de footballeur ou en femme de En femme. En femme de footballeur. En femme. Victoria Beckham, les... Tout ça. Ok. Allez, va-t'en, toi, petit coquinou. Chloé, votre tenue. Je n'ai pas prévu de tenue, ce serait plutôt dans des vêtements de type confortable. D'accord, c'est plutôt bien ça. C'est plutôt bien en effet. Des vêtements avec les, surtout avec lesquels j'ai marché, puisque je les trouve très confortables. Vous avez raison. Et vous savez que mon pantalon, en plus d'être magnifique, il est très très confortable. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, il moule un petit peu. Ah, il fait un petit peu un cameloto. Un petit peu un cameloto. Un petit cameloto. J'ai cru que vous alliez décrire le cameloto à nos auditeurs. Écoutez, je laisse les auditeurs venir voir par eux-mêmes ce magnifique cameloto. Alors, Théo nous dit que dans sa banane, il y a des tickets de tombola et des slips en rab pour Hubert Félix. C'est sympathique. C'est très sympathique. Ça, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Au cas où Hubert Félix se retrouve coincé ici pendant 3 mois. Eh bien, au moins, elle aura des slips. Cette fois-ci, elle aura des slips. C'est très, très sympathique. Théo d'y penser. On va faire une nouvelle pause musicale. Et puis, on verra ensuite, parce que je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez entendu la musique? Normalement, tout à l'heure, vous avez bien entendu la musique. Je vais donc vous mettre petit jingle. J'espère que vous allez mettre des jingles, parce que j'adore les jingles. Alors, je n'ai pas, dans ma préparation, là, je n'ai pas prévu tous les jingles. Mais vous pourrez les écouter sur Roux du Rock FM, bien sûr, toute la journée, toute la nuit, et plus si affinité. Tout à fait. Allez, on se retrouve juste après Highway to Hell de AC/DC. Tout simplement parce que ça va nous donner envie de venir, ça va vous donner envie, chers auditeurs, de venir le plus vite possible, mais en respectant les limitations de vitesse qui sont, donc, je vous le rappelle, maintenant, c'est 80, hein, Chloé. 80. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parler politique, sinon on va se chamailler si on parle politique, je vous le dis, moi. Bon, écoutez, allez, on se retrouve tout à l'heure. Roux du Rock FM, ça fait du bien, par où ça passe. Roux du Rock. Roux du Rock. Ça passe. Yeah. Mmh. Oh yeah. Rooks du Rock FM. 107.5. C'est pas notre fréquence, mais on n'a pas de fréquence. Oh yeah. Vous êtes toujours sur Rooks du Rock FM et je suis toujours en très bonne compagnie avec Chloé Soulard et Hugo Soulard. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Alors, on voulait parler un petit peu du programme du week-end. Alors Hugo, lève ton téléphone, il fait des interférences. Alors Chloé, est-ce que vous avez le programme sous les yeux? Est-ce que vous avez besoin du programme? Je n'ai pas le programme sous les yeux, mais de mémoire, je me souviens que demain matin, nous laissons évidemment les gens se réveiller tranquillement, tout à comme fait. Ils veulent, comme oui. Ils le veulent, à leur rythme. Il faut en effet qu'ils aient fini toutes leurs phases de sommeil différentes. Tout à fait. C'est très important d'avoir un bon sommeil pour votre santé, c'est important de bien dormir. Tout à fait. Et donc, à partir de... Je crois que c'est à partir de 11h ou de 10h. Alors, les réveils échelonnés, c'est entre 7h et 11h. Oui, bien tout à fait. Sûr. On se réveille pas avant 7h, ça va. Oh. C'est interdit. Et à 10h, par contre, il faut au moins être connecté, même si vous restez dans votre lit. Voilà, ce n'est pas grave, vous pouvez rester dans votre lit encore un petit peu endormi, mais le plus important, c'est de vous brancher sur la Rooks du Rock FM très pour important. La matinale demain matin à partir de 10h. Voilà, donc la matinale de la Rooks du Rock FM, ce sera agenda, météo, programme, jeu, interview. Éphéméride. Des petites surprises pour vous, ma chère Ophélie. Oui, pour moi. J'ai prévu des petites chroniques. Oh, dis donc. Et vous me le dites. Vous êtes vraiment nul en surprise. Je rigole. Surprise parce que j'ai fait les jingles avec vous, coquine. Je sais. Alors attendez. Ensuite, il faut quand même parler du petit déjeuner que vous préparez petit déjeuner à nos invités. Exceptionnel, comme dirait Totalolo. Exceptionnel, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été inspiré par une région magnifique qui est la région du 47, la région du Lot-et-Garonne. Et en effet, il y a une spécialité. Une parmi tant d'autres spécialités du Lot-et-Garonne, c'est la noisette. Et oui, vous ne le saviez pas, vous étiez déjà tous au courant que l'Italie était spécialisée de la noisette. En effet, d'ailleurs, j'ai un fun fact là-dessus si vous voulez. Le saviez-vous, peut-être, que sans la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas la fameuse pâte à tartiner chocolat noisette que nous connaissons tous. Bon. En effet, Seconde Guerre mondiale oblige, pénurie de chocolat. Oh là là, quelle catastrophe! Ils ont donc rajouté des noisettes pour compenser le manque de chocolat. D'accord. C'est comme ça qu'est née la fameuse pâte à tartiner que l'on connaît tous. Chloé, vous n'avez pas de casque, mais quand vous tournez la tête, on ne vous entend plus. Eh bien, écoutez, je m'en excuse. Il faut toujours regarder la bouche en face du micro. Eh bien, donc je disais, ce fameux petit déjeuner sur le thème de la noisette du Lot-et-Garonne. Et donc, pour les petits coquinous qui seront là demain matin, vous pourrez profiter de plusieurs produits régionaux à base de noisettes. Et aussi, évidemment, avec du chocolat, puisque tout nous savons fait. Que chocolat-noisette, ça se marie très très bien. Mais des produits qui viennent du Lot-et-Garonne, pour la grande majorité, on va dire à 90% de produits qui viennent de Lot-et-Garonne. Ensuite, Chloé, à midi, il y aura un pique-nique Bonne Franquette. Tout à fait. Je tiens juste à préciser également que le petit déjeuner se fera dans la bonne ambiance et la bonne humeur, puisqu'il sera accompagné d'une playlist d'artistes qui viennent du Lot-et-Garonne. Ah oui, tout à fait. Voilà. On peut citer. Playlist 47. On peut citer le plus connu, évidemment. Francis Cabrel. Francis Cabrel. Qu'on embrasse, qui sortira son nouvel album le 16 octobre, Chloé, le saviez-vous? Exactement, le 16 octobre d'ailleurs, c'est l'anniversaire d'une autre star. May. Une autre star qui n'est pas du Lot-et-Garonne, mais qui est quand même du Sud. Christophe Maé, qui est né dans le Carpentras le 16 octobre 1975, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Chloé, ensuite, à midi, il y aura un pique-nique Bonne Franquette au Mambert. Tout à fait, donc nous rappelons à nos auditeurs de venir avec un pique-nique, des petites choses à grignoter, des petites choses à partager, évidemment, de type quiche, de type pizza, par exemple, des pizzas froides ou des tartes. Du pain, du fromage. Des petites choses à tartiner, par exemple. Voilà, des petites bêtises à manger. L'idéal, c'est de pouvoir manger comme ça la bonne franquette avec exactement, les doigts, sans forcément amener des couverts. Évidemment, que si vous voulez amener des petites salades, vous êtes les bienvenus. Mais à la bonne franquette, oui, dans un petit bois magnifique, magnifique, qui se trouve en bas de l'étarderie. Alors, je précise quand même à nos chers auditeurs que si le temps est trop mauvais, nous n'irons pas au Mambert. Exactement, voilà, nous restons à l'étarderie. Oui. Après, il y a quand même un petit préau pour... il y a de quoi s'abriter. S'abriter au Mamberthe, au cas où... Il y a de quoi s'abriter. Oh, vous êtes forte. Ensuite, à 14h, il y aura la balade digestive, découverte et légende de la Rouxière. Alors là, bien sûr, ce sera la même chose. Je pense que ce sera un peu compliqué s'il y a de la pluie. Mais d'après la météo agricole, il n'y a pas de pluie demain, Chloé. Alors, la balade digestive, découverte et légende de la Rouxière, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette étape de la journée ? Écoutez, la Rouxière est un village magnifique, doté de légendes et de contes. Nous vous proposons à nos auditeurs de venir avec nous vous balader déjà parce que faire de l'activité, une activité sportive régulière, c'est bon pour la santé. Oui. Et comme on l'aurait dit déjà tout à l'heure, c'est important d'être en santé, donc il faut bien dormir, il faut bien marcher, il faut faire un peu de sport. Et là, quoi de mieux qu'une balade digestive après le repas pour bien digérer, pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps, aller se balader. Et quoi de mieux que de faire une balade et en même temps de découvrir une culture peut-être un petit peu différente. Très bien, Chloé, merci. Alors, je m'excuse pour ce petit blanc, c'est parce que je faisais un petit rototo et je ne voulais pas que vous l'entendiez. Je voulais que ça reste entre nous, mais je n'aurais pas dû le dire. Ensuite, à 16h, retour à l'étarderie. Avec un café gourmand accompagné de la playlist et mystère. Je peux vous dire que je l'attends, ce café gourmand, parce qu'on l'a préparé un petit peu aujourd'hui. Oh là là, il me donne envie. Ah oui. Alors café, oui, mais pas que, évidemment. Pense à ceux qui ne boivent pas de café. Il y aura aussi du thé. Il y a l'alternative thé, évidemment. Et puis pour ceux qui ne veulent pas non plus, il y aura de la bière. Jus, il y aura de la bière ou du jus, ou voilà, des petites choses avec des gourmandises. Tout à fait. Ensuite, Chloé, playlist mystère. Alors là, ce sera à vous de trouver la playlist. On vous donnera un petit cadeau si vous la trouvez. C'est assez facile quand même. C'est assez facile. Alors ensuite, à 18h, point Roux du Rock. Donc, vous connaissez les points confinement. Ce sera la même chose, mais avec les invités, les gens qui seront présents. Demain, on pourra faire des interviews. On pourra peut-être aussi également appeler certaines personnes qui ne sont pas présentes. Qui ne pourront malheureusement pas être avec nous. On les embrasse très fort. Voilà, je pense que ce sera un moment assez convivial, je l'espère. En tout cas, à 19h, Chloé. Apéro cocktail, évidemment, on reprend les bonnes habitudes comme ce soir. Apéro cocktail, Campari, Cosmopolitain. Accompagné de la playlist Vieille Canaille & Co. Ah, ça, alors, ça je l'attends aussi parce qu'elle est parfaite, cette playlist Vieille Canaille & Co. En blouson de cuir porté pendant l'apéro cocktail de demain soir, égale un ticket de tombola offert. Tout à fait. Pour aller avec la playlist Vieille Canaille & Co. Exactement. Voilà. Un t-shirt Johnny fera de l'effet, évidemment. Bien sûr. Si vous avez un t-shirt Johnny, faites-nous rêver à cette occasion de cette playlist magnifique et de ce petit apéro cocktail. Oui. Voilà. Tout ce qui est accessoire en cuir également est le bienvenu. Et le bienvenu. Ensuite, 21h. Mais écoutez, le repas. 21h, c'est l'heure du repas, du dîner, puisqu'évidemment, la coquine Ophélie. Elle passe l'année des 25 ans, ça y est, elle a 26 ans. Et oui. Et donc voilà, on est un peu plus adulte maintenant à 26 ans, donc on fait des dîners assis et elle nous a prévu un petit repas, évidemment, dans le respect de l'animal, puisque aucun animal n'aura été blessé pendant ce repas, puisqu'il s'agit d'un chili sin carne, si vous parlez un petit peu espagnol comme moi. Eh bien, sin carne, qui est à l'opposé de chili con carne, qui veut dire évidemment que c'est sans viande. Merci beaucoup, Chloé. Alors, ce chili sin carne sera accompagné de son riz basmati, que je ne ferai pas cuire moi-même parce que je suis très nulle en cuisson de riz. Alors, je compte sur vous, Chloé. Tout à fait. Ensuite, bien sûr, on n'a pas précisé, mais pendant le repas, bien sûr, on pourra boire du vin rouge si vous avez une bonne bouteille à ramener. Évidemment, n'hésitez pas. Ceux qui ont une bouteille sont les bienvenus. C'est extrêmement conseillé de venir avec du vin. Ensuite, à partir de 22h, ce sera à la bonne franquette, bien évidemment. C'est la fête, c'est les copains, c'est la bonne ambiance, c'est le soleil. À 22h, le soleil. Et le soleil est dans nos cœurs, pardi. Vous avez raison. Et il y aura bien sûr, à partir aux alentours de 22h, En fonction du programme, il est possible qu'on prenne du retard dans le programme. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le programme, il est consultatif, si je puis... Le programme, il est là comme une base, finalement. C'est une trame, une grande trame, si vous voulez. Voilà. Et à 22h, donc, il y aura la tombola, tant attendue, Chloé. Elle est magnifique, cette tombola. N'hésitez pas. Hein. Je vous conseille vraiment de prendre plusieurs tickets pour être sûr de gagner les choses. On vous a vraiment préparé. On ne s'est pas foutu de votre gueule. Vous nous connaissez, on ne se fout jamais de votre gueule. Alors voilà un petit peu pour le programme. Ce qu'on n'a pas dit et ce que je n'ai pas noté sur le programme, Chloé, c'est les points pétés. Alors, ah oui. Je me suis dit que peut-être éventuellement il y aurait des points pétés à voir en fonction de l'ambiance. Si on se fait chier, on ne fera pas de points pétés. Ou alors on en fera parce que justement on se fait chier, tout à fait. D'ailleurs, j'ai aussi une annonce à faire, j'y pense là. On n'a pas prévu de cartes de loup-garou. Exactement, on a oublié les cartes du loup-garou, mais ça c'est une possibilité que je demande à Dorian demain de me ramener les cartes du loup-garou. Voilà, Dorian, si tu nous écoutes... Faites-moi penser, si Dorian nous écoute ou si vous êtes en contact avec Dorian, il peut prendre les cartes du loup-garou qui se trouvent dans le placard vitré qui se trouve dans mon salon. Voilà. Alors, Kayman... Non, je pensais que c'était Kayman, je ne sais pas pourquoi. C'est Corolla qui demande si on a bu. Mais non, nous n'avons pas bu, Chloé. Vous venez juste de boire, en fait, votre première bière. Exactement, je ne l'ai même pas fini encore. Alors, comment expliquer cette question, Chloé ? Écoutez, je ne sais pas, depuis le temps qu'il nous connaît, ce petit coquinou, là, il devrait savoir qu'on est comme ça, sans alcool. Alors, j'aimerais savoir aussi, je vais poser une question à Corolla. Quand arrivez-vous, monsieur, quand même ? J'aimerais bien savoir, il y a Patate Chaude aussi qui demande si on a rangé la grange. Bonne question. Et la grange n'est pas rangée, mais le garage, oui. Oui, c'est vrai que... Avec la pluie qui fait, c'est vrai que je me dis que peut-être qu'on devrait mieux aller dans le garage. Oui, mais on n'est pas beaucoup non plus, on peut rester dans la maisonnée aussi. Oui, ce soir, pour eux ce soir, c'est tranquille. On n'est pas en sucre de toute façon, mais ça va. Hein. Vous avez raison, on a fait pire, les amis. Alors bon, il est 18h01, vous êtes en retard. Vous n'êtes pas là, on va servir un cocktail. On va se servir un cocktail, je vais demander à Julien de me faire un petit Campari. Qui me fait un petit cosmopolitain? Qui me fait un petit cosmopolitain? Allez, c'est parti. Bon, on vous remercie d'avoir suivi cette première émission. Mon ordinateur me dit que j'ai la batterie faible, donc ça tombe bien. On vous dit à tout à l'heure, pour ceux qui viennent tout à l'heure. Nous, on est prêts, on vous attend. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Tout à l'heure. Eh bien oui, on va ranger les dernières petites choses. On va ouvrir un paquet de chips parce qu'il est 18h, on a le droit. C'est vrai, c'est l'heure de l'apéritivo. C'est écrit dans le programme. C'est écrit dans le programme, on va se boire une petite bière et on vous dit à tout à l'heure, Chloé. Oh, pardi, au fil, on va passer à boire une bière. Qu'est-ce qu'il dit, celle-là ? Non, on va se boire un cocktail. Un cocktail. Hugo, est-ce que tu peux... Oui. Rapproche-toi un peu du micro, s'il te plaît. Tu dis à tout à l'heure à nos auditeurs. À tout à l'heure à nos auditeurs. Allez, ciao. Ciao. Je vous embrasse tous. On se dit à tout à l'heure sur Roots. Oh yeah. Roots du Rock FM. 107.5. C'est pas notre fréquence, mais on n'a pas de fréquence. Oh yeah.